Si seulement il y avait une émission amusante et instructive sur la bande dessinée. Ça existe, Billy. Ah, mais vous sortez d'où? C'est Fréquence BD, et c'est tout de suite. Wow. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet. Vous êtes bien avec nous, bien au chaud, bien tranquillement. Je suis Benjamin et pour ce soir, pour vous occuper durant cette soirée, pendant cette heure de bande dessinée, je ne suis pas seul. En effet, elle n'était pas là la dernière fois, mais elle est revenue de Strasbourg grâce à son train qui était sans doute à l'heure, j'imagine. Bonjour à toi, Marie. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Bah ça va très bien, ça va très bien. J'ai eu mon train et voilà, je suis à l'heure. Alors il me semble que t'étais pas là à cause des partiels. Est-ce que ça va, t'as survécu? Alors ça va, j'ai survécu et j'étais pas là à cause du partiel et du permis que j'ai eu. Ah bah félicitations, on commence sur des bonnes bases. D'ailleurs, chose un peu triste, tu remplaces entre guillemets Gabriel qui n'est pas là car il s'est fait happer par un cours au moment où nous enregistrons. Il m'avait dit ça va être chaud, je sais pas si j'aurai cours à 18h ou non. Et là, paf, il m'a dit que qu'il a cours à 18h. On lui souhaite bon courage, les cours, première cause de non-participation à Fréquence BD. Mais tu n'es pas venue seule, Marie. En effet, on l'avait teasé dans l'émission de janvier, un peu comme une blague. Mais pourtant, il est bien présent. Christophe Cazeneuve, scénariste de bande dessinée, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Non, c'est pas une blague, effectivement. Les auditeurs sont ébahis. Hein. Alors, je sais pas si t'as écouté notre élucubration que nous avons eue en janvier, mais... Non, pas du tout. Et ben en fait, on se demandait, Cazeneuve, est-il un robot? Est-il un humain? Comment fait-il pour être aussi prolifique? On est heureux ce soir. Et donc, c'est quoi la réponse? Et robot ou humain? Vu que nous, on a la chance d'avoir une vidéo, on voit un humain, mais peut-être c'est un cyborg. On aura la réponse plus tard. C'est ça. Alors, succinctement, comment tu te présenterais aux gens, aux auditeurs? Oh, moi, je suis un adulte qui se sent encore l'âme d'enfant parce qu'il a la chance de faire des bandes dessinées. C'était mon rêve depuis gamin, depuis tout gamin. J'ai pu devenir scénariste après un peu trop d'années à mon goût, parce que j'ai démarré à 30 ans et je pensais que c'était trop tard pour faire la BD. Puis apparemment, non. Et depuis, je continue à écrire des histoires et à être scénariste pour pas mal d'auteurs, toujours dans des BD humoristiques, et puis voilà, je continue, je me régale, et je suis content d'être avec vous en plus. Et bah c'est génial, le plaisir partagé en tout cas, on en apprendra un peu plus sur ta vie dans le milieu de la bande dessinée. Tout de suite, on va commencer par la traditionnelle chronique des sorties BD, donc c'est parti. Ouh, Fréquence BD. Alors, sortie de bande dessinée en février. Alors je vous ai fait une petite sélection et alors je m'excuse d'avance, mais les sélections ne sont pas très joyeuses. Je vous propose, alors c'est sorti le 2 février, ça s'appelle 2 ans dans les rangs, c'est de Hayat Alfir. Et en fait c'est une bande dessinée autobiographique qui est composée de plusieurs scénettes. Et en fait ça va nous raconter diverses anecdotes que l'autrice a pu vivre au sein de l'armée israélienne lors de son service militaire obligatoire. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air d'être marrant. Ouais. Non, parce qu'en fait toute l'histoire c'est que justement le service militaire israélien est très respecté là-bas. Et justement dans cette BD c'est une femme qui va parler de ses petites déboires quotidiennes, des choses qu'elle faisait, etc. Donc c'est un peu une vision humoristique de la chose et avec un peu aussi ses moments de dénonciation. Donc voilà, la proposition que je vous ai faite. En tout cas, c'est original, comme jamais entendu parler de BD sur le service militaire israélien. Déjà, le service militaire français, je n'en connaissais pas, tu vois. Là, c'est israélien, oui. Donc on va encore plus loin. Mais d'ailleurs, en parlant de plus loin, recentrons-nous en France avec L'innocent incompris de Vital Durand et Lagrange, sorti le 3 février. Alors, c'est tiré d'une histoire vraie. Est-ce que ça vous dit quelque chose le 28 septembre 1986 à Montigny-lès-Metz? Non. Ça vous dit rien si je vous dis que 2 enfants sont assassinés près d'une voie ferrée? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, personnellement, oui, parce que j'avais l'âge de me rappeler. Ah, tu as sans doute entendu parler de cette histoire, de cet enfant, de ce mineur accusé à tort du meurtre de ses 2 autres enfants. Oui, tout à fait, qui a fait de la prison d'ailleurs. C'est ça, et en fait, justement, cette bande dessinée dont les recherches ont été faites par la journaliste Brigitte Vital-Durand. Ça va justement nous replonger dans l'histoire de Patrick Deal, le premier mineur, le premier mineur à avoir fait de la prison à perpétuité. Donc on va suivre ce fait divers et cette BD va justement décortiquer le fonctionnement de cette affaire judiciaire jusqu'à la décondamnation de ce cher Patrick. Voilà, donc un fait divers, donc bah, c'est cool que tu connaisses... c'est cool, oui, c'est pas une super histoire, mais... Non, mais c'est cool, tu vois, ça permet de faire un peu de... Ouais, tout à fait, mais c'est intéressant aussi ce genre de BD, c'est bien d'avoir des thèmes aussi variés, aussi différents, puis des BD documentaires de ce genre-là, c'est très intéressant en général aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça permet vraiment de parler de... Bah, voilà, d'un fait d'actualité, d'un fait de société de façon super... vraiment originale et détournée. C'est vraiment bien. Mais justement, en parlant de faits divers détournés, vu que février c'est un peu le mois de l'angoisse, parce qu'il est plus court que les autres déjà, toujours dans le même thème, 17 piges, récit d'une année en prison, sortira le 9 février, parce que c'est vachement fun, par Dautres mais Bast. Donc là, c'est toujours en France, par une journaliste, Isabelle Dautres, qui est spécialisée dans l'éducation, et en fait, qui s'est penchée sur des prisons pour mineurs qui ont des effets pas cool sur les possibilités d'avenir de ces jeunes qui vont dans ces prisons. Et on va suivre l'histoire d'un d'entre eux qui va, au début, qui sera un détenu modèle et qui va, au fur et à mesure de sa détention, se dégrader et donc se comporter un peu n'importe comment. Donc voilà, sur l'impact des prisons chez les mineurs, je me suis dit que ça avait un peu en lien avec l'innocent incompris. Ouais, on voit que tu as eu des thèmes de prédilection ce mois-ci, la prison... La prison, la guerre, c'est pas très fun. Mais un truc un peu plus sympathique quand même, les incroyables histoires de Miguel, c'est un trio de streamers, l'harmonier Alex Click et Losty, voilà, qui sortira le 10 février. Et ça nous raconte l'histoire de Miguel, qui est un petit malfrat des banlieues, et qui va un jour faire la rencontre de Benson Ryan, le chef d'un des plus gros cartels d'Amérique du Sud. Et ce dernier, Benson Ryan, va donner pour mission à Miguel de braquer la plus grosse banque du pays, mais attention, il a 72 heures pour le faire, et Miguel a une bande de bras cassés avec lui pour l'aider. Des explosions, des armes, beaucoup de billets, c'est les incroyables histoires de Miguel le 10 février. C'est un peu mieux quand même. C'est un peu mieux. Et enfin en vrac, le tome 2 de l'Odyssée de Phénix, le tome 3 de Seul au Monde pour ceux qui adorent les courses de voilier, le tome 17 de Plantes versus Zombies, j'ai une curieuse lecture à avoir là-dessus, et enfin un classique mais qui marche bien, le tome 24 de Nelson. Est-ce que de votre côté, vous avez des sorties BD pour ce mois-ci? Moi? Vous, je dis vous, mais vous deux... Ah oui. Vas-y, je laisse parler Marie, parce qu'elle a plus l'habitude de... Non, mais s'il y a quelque chose que tu veux, n'hésite pas. Marie me dit à chaque fois, c'est bon, t'as tout dit, alors moi je suis un peu triste. Tu vois. Ouais, non, mais là, cette fois-ci, j'ai un truc, mais c'est pas vraiment du coup une sortie... c'est pas un tome de BD, mais il y a la revue dessinée. Qui est un espèce de, je sais pas comment appeler ça, un magazine, entre un magazine et un journal, qui est vraiment super, et qui fait ce mois-ci un numéro consacré du coup à la présidence de Macron, donc qui est intitulé « La présidence de Macron sous enquête ». Ah, je l'ai vu, ouais. Voilà, et ça c'est du coup, voilà, parce que n'oublions pas qu'il y a les élections, donc si vous voulez avoir peut-être un regard un peu plus critique sur le quinquennat, le quinquennat Macron, voilà, un petit conseil. D'accord, et merci beaucoup pour ce conseil. Et toi, Christophe? Une des dernières BD que j'ai achetées, mais j'ai pas encore lu, là, c'est Les mauvaises filles de Zelba, qui raconte comment, avec sa sœur, elles ont accompagné leur mère. C'est pas très gay non plus, apparemment, que j'ai pas lu. Mais j'aime beaucoup ce que fait Zelba, donc une scénariste dessinatrice. Et là, c'est les derniers jours de leur maman. Elle va accompagner pour se faire euthanasie. D'accord. Mais avec l'écriture de Zelba, je pense que ça peut être vraiment, vraiment chouette. Et j'avais lu dans le même bateau de elle il y a quelques temps. Et que j'avais adoré ce bouquin-là. Donc voilà. Un des derniers bouquins que j'ai acheté, je n'ai pas encore lu. C'est vrai que l'euthanasie, comme sujet, c'est pas forcément fun. En tout cas, merci d'avoir proposé ces sorties BD. Et alors, d'avoir remonté le moral. Mais justement, pour remonter le moral, rapidement, ça nous arrive très rarement, voire même quasiment jamais. Gabriel, bien qu'il ne soit pas présent, m'a transmis une actualité BD assez rigolote. C'est bientôt, il y aura sur les passeports belges au lieu de, vous savez, des bâtiments sur le passeport, il y aura des dessins de personnages de bande dessinée. Voilà. Ah, trop bien. Donc, on peut voir la fusée de Tintin, le Schtroumpf Explorateur, Lucky Luke au Far West, enfin bref, plein de héros de bande dessinée belge qui se retrouvent sur les passeports belges. Je trouve ça plutôt rigolo. Ils ont de la chance, c'est vrai. De la chance, je ne sais pas. Définitivement, c'est un beau pays quand même. C'est vrai, mais bon, si on se fait tamponner son Lucky Luke, bon, je suis un peu déçu. Je verrais plus ça comme une pièce de collection, mais bon. Voilà, il faut savoir qu'il ne faudra pas vous étonner si vous travaillez dans, je sais pas, dans un aéroport et qu'un Belge vous tend un Tintin à tamponner. Tout est parfaitement normal. Sur ce, on va écouter une petite chanson avant de passer à l'interview du grand Cazeneuve. Bah d'ailleurs, Christophe, est-ce que tu souhaites qu'on écoute quelque chose là maintenant, tout de suite? Je vous fais plaisir. Oh là là, qu'est-ce que je suis en train d'écouter en ce moment? Bah, moi, si on me demande, c'est toujours du Paul McCartney, parce que je suis fan depuis que je suis ado des Beatles et de ce qu'a fait Paul McCartney. Et bon, sinon, j'écoute beaucoup de pop grec, mais je vais pas vous embêter avec ça. J'ai un super bon son de pop grec. Vous ferez vos partages pendant la musique. Mais les Beatles, c'est parfaitement... Sinon, j'écoute ZZ Top en ce moment, j'aime bien. Voilà. Alors, il va falloir faire un choix, Christophe. Bon, ça peut être de ZZ Top. Ah si, j'aime beaucoup Beer Drinkers. Comment s'appelle ça? Hellraiser and Beer Drinkers, je crois. Un morceau qui bouge bien. Enfin, ZZ Top, quoi. De ZZ Top, de Beer Drinkers. ZZ Top. ZZ Top, Beer Drinkers, tout de suite. Sur Fadjet, je ne connais pas, ça sera l'occasion de découvrir. Et juste après l'interview de Christophe Cazeneuve, tout de suite sur Fréquence BD. We'll be right back. Ça, c'était du bon son métal. Ah, j'avoue, c'était plutôt métal. Fréquence BD. C'est l'interview de Fréquence BD. C'était ZZ Top, Beer Drinkers et Hellraiser sur Fadjet. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet pour une émission spéciale, l'émission choc, l'émission de Fréquence BD Investigation, l'émission où nous découvrons Christophe Cazeneuve, scénariste de bande dessinée chez principalement Bambou Édition, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça ? C'est ça, exactement. Alors justement, bonjour, rebonjour à ceux qui nous écoutaient déjà et bonjour à ceux qui nous écoutent maintenant. Christophe, tu es scénariste depuis pas mal de temps déjà, mais comme tu l'as dit lors de l'introduction, ça t'est venu sur le tard. Alors, justement, ouais. Alors non, c'est pas que ça m'est venu sur le tard, c'est que j'ai mis du temps à trouver un éditeur, c'est pas pareil. Ah, juste avant que Marie t'assaille de ces questions très pertinentes, Christophe, alors, tu as dit avoir eu du mal à trouver des éditeurs, mais alors comment es-tu devenu scénariste d'abord, présente-toi comme ça, qui tu es, et surtout, comment es-tu devenu scénariste? Donc je suis effectivement essentiellement uniquement scénariste de BD. J'ai failli dire essentiellement parce que j'écris aussi des romans jeunesse un petit peu. Je suis en train d'en écrire un d'ailleurs là. Mais c'est vrai que c'est plutôt la bande dessinée. Gamin, moi j'aurais préféré être dessinateur. Parce que je me dis que c'est comme dans une équipe de foot, on préfère être celui qui marque les buts plutôt que celui qui est sur le côté. D'accord. Et après il y a le principe de réalité. Donc c'est depuis petit je dessine un petit peu, dans... mais... Hein ? Pardon ? C'est depuis petit que t'es à fond dans la BD en fait. Ah oui. Ouais, ouais, moi je lis des BD depuis que je suis gamin. Mon frère était abonné au journal de Tintin. On a eu Spirou, on a eu Mickey à la maison, Pif, après, enfin Pilote à un moment donné. Ah, et tous les magazines. J'ai grandi avec en fait. Ça et avec. Ouais, c'est ça. Et avec cette étrange passion de vouloir faire de la BD, sans savoir ce que c'était, parce qu'à la différence des enfants d'aujourd'hui, c'était compliqué d'avoir des infos à l'époque. Il y avait pas Internet, bien évidemment. Il y avait même pas le Minitel. Et du coup, j'avais que quelques infos par les BD que je lisais, enfin dans les dossiers sur certains auteurs. Mais j'avais cette envie de raconter en images, mais je sais pas d'où ça vient en fait. Mais c'est vrai que j'étais pas assez bon au niveau dessin, je dessine un petit peu, mais pas assez pour être dessinateur. Et à un moment donné, la réalité m'a fait comprendre qu'il valait mieux que je fasse des essais plutôt en tant que scénariste qu'en tant que dessinateur. Mais j'ai, voilà, ce qui fait que j'ai, là où ça a été un peu long pour moi, c'est que j'ai envoyé des dossiers pendant 12 ou 13 ans, jusqu'à ce que j'ai 30 ans à peu près. Et j'ai eu 3 réponses, c'était un peu, voilà, c'était pas beaucoup de réponses pour... vu la période, le nombre d'années. En 12-13 ans, t'as eu que 3 réponses. Ouais. Et moi, 3 réponses, dont la réponse de Bambou. Et des dossiers, qu'est-ce que c'était? Il y avait de tout. J'avais envoyé des dossiers de BD que je dessinais. Moi, c'était toujours du gag. J'ai toujours fait du gag, même à cette époque-là. Donc, j'avais envoyé mes dessins et puis quelques scénarios. J'avais aussi envoyé à Spirou, je me rappelle, que des scénarios dessiné, mais comme faisait Raoul Covin, et j'avais été reçu justement c'était à Paris par le rédacteur en chef de Spirou. Voilà, ça n'avait rien apporté de plus, mais c'était la première fois que je voyais un pro qui n'avait pas comment dire besoin de me faire plaisir comme l'entourage, la famille ou les amis quand je leur montrais ce que je faisais. C'était le premier retour que j'avais pour retour professionnel sur mon travail, et puis après j'ai continué à envoyer des projets. Et c'est finalement, lorsque j'ai eu 30 ans, que j'avais dit à ma femme, là, si j'ai pas de réponse, je vais arrêter d'envoyer, puis on va faire, on travaille tous les deux en grande surface, on va se prendre un petit supermarché tous les deux. Et puis j'avais 30 ans et quelques jours quand Bambou m'a répondu. Voilà. Donc j'ai bien fait de tricher et de rajouter quelques jours à l'âge que j'avais. Ouais, et puis de persévérer surtout, enfin, heureusement sinon. Ouais, parce qu'il en faut de la persévérance pendant 12 ans, il faut vraiment être passionné. Ouais, ouais. C'est clair. Après, c'était pas tous les jours. Il y a des périodes où j'en voyais rien parce que j'en avais marre. Mais je sais pas pourquoi j'avais cette envie de raconter en images. Je me disais bon bah pourquoi pas. Le fait de ne pas avoir d'infos comme aujourd'hui avec Internet, on a toutes les infos qu'on veut. Je pense qu'il y a beaucoup de naïveté dans ma démarche. Et peut-être que si j'avais eu toutes les infos que l'on a aujourd'hui, j'aurais été découragé plus rapidement et je n'aurais peut-être pas insisté. L'idée de ne pas savoir où j'allais ne m'a pas freiné justement. Alors justement, par curiosité, quel est le premier projet qui a été retenu? Ça s'appelait Les Prédictions de Nostra. C'était sur Nostradamus. Et c'est la première fois que j'ai vu donc une de mes pages dessinée par un professionnel, André Amouric, avec lequel j'ai fait plusieurs albums par la suite. On a fait 3 albums sur ce personnage. Et c'était donc des gags autour de la voyance, de la prédiction, des confitures, puisque Nostradamus faisait des confitures aussi. Et il se trouve que moi j'habite dans les Bouches-du-Rhône et la maison de Nostradamus se situe à Salon de Provence, donc pas très loin de chez moi. Et voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai pensé à ce personnage, mais je m'étais dit que ce personnage-là est arrivé une fois que j'ai eu contact avec Bambou. L'éditeur m'avait encouragé à chercher des idées un peu plus fédératrices, avec des thèmes un peu plus larges que ce que je proposais. Et je m'étais dit, bah voilà, peut-être que le monde de la voyance, il y avait quelque chose à faire. Et c'est comme ça que ça a démarré. C'était mon tout premier album, vraiment, où j'étais scénariste tout seul. Parce que j'avais participé à quelques pages chez Bambou, quelques albums juste avant. D'accord. Alors, juste, j'ai une petite dernière question, ensuite Marie, je te le laisse, mais rapide. Hein. Bah vas-y. Est-ce que tu as déjà reproposé des projets qui t'avaient déjà dit non et qu'ils ont dit oui en reproposant, non. Jamais. Je pense qu'il y en a une paire qui doit se mordre les doigts du coup maintenant. Et... Oh, je sais pas. Après, je pense que je suis tombé chez le bon éditeur en fait. Mm-hmm. Ça aurait peut-être pas fonctionné. J'ai notre éditeur à ce moment-là quand j'ai démarré. Là, Bambou démarrait également. Bambou existait depuis 3 ou 4 ans quand je les ai rejoints. Donc il y avait tout à faire, tout le catalogue était à construire. Donc je pense que ça a dû jouer aussi. Puis on s'est très bien entendu avec l'éditeur, on s'entend toujours très bien d'ailleurs. Et ça fait 20 ans d'ailleurs que je travaille chez Bambou maintenant. Pour moi, c'est une belle histoire en tout cas. D'accord. Bah, c'est clair, ouais, c'est un beau récit. C'est bien. Enfin, c'est en plus vraiment montrer que bah, voilà, c'est pas facile, c'est pas non plus. En claquant des doigts qu'on devient scénariste ou dessinateur et que. Bah, c'est bah, un claquement de doigts. Pour lui, c'est un claquement de doigts qui a duré 12 ans. C'était un peu long. Ouais, j'ai les doigts très larges. Mais c'est vrai que c'est assez. Ça dépend. Il y en a qui démarrent très rapidement. Moi, ça a été long. Mais il n'y a pas de justice, en fait, là-dedans. Il n'y a pas de schéma particulier. Tout le monde a sa petite histoire. Et c'est vrai que, bah voilà. Moi, ça s'est passé de cette façon-là. Et j'ai aucun regret, puisque ça fait quand même pas mal d'années que ça dure et que tout se passe bien. Donc, voilà. Faut que ça dure. Alors, justement, là, on a présenté le personnage, mais en plusieurs années de métier, on a écrit, scénarisé, enfin, t'as fait beaucoup de choses. Et justement, Marie est ta plus fidèle lectrice depuis l'âge de ses 3 ans. Et, voilà qui me rajeunit. J'espère que je n'exagère pas, Marie. Non, mais c'est ça, c'est. Et, tu as mis une question. Sister, c'était ma première, la première BD qu'on m'a offert et l'une des premières que j'ai lues. Et après, ça m'a plongé dans. Enfin, c'est ça qui m'a fait aimer la BD, en fait. J'ai commencé comme ça. Ah, j'ai acheté tout. Enfin, mes parents m'ont acheté tous les tomes pour mon anniversaire. Elle est tombée dedans quand elle était petite, c'était terrible. Voilà, c'est ça, comme Astérix. Non, mais voilà, du coup, c'est vraiment un honneur, en fait. Je suis vraiment très, très contente de pouvoir. Enfin, on m'aurait dit ça quand j'avais 8 ans. Je pense que j'aurais halluciné. Mais ouais, du coup, moi, je me demandais, l'une des. Enfin, t'as parlé beaucoup de l'importance de faire des gags, de ce domaine de faire des BD qui sont drôles. C'est quoi la BD pour toi qui t'a fait le plus rire? La BD que tu retiens et qui t'a fait le plus rire et qui a peut-être été une source d'inspiration aussi par la suite. Mais... Je pense que ça a été Achille Talon, qui n'est pas une BD pourtant où on se fend la poire comme les Bidochon, où on rit vraiment avec la voix, mais moi ça m'a tout fait. C'est compliqué de rire. Je sais pas si vous connaissez tous les. Oui. Pardon ? C'est compliqué de rire. Achille Talon, c'est très compliqué. Enfin, c'est une BD qui est assez lourde à lire, je trouve. Moi ça m'a jamais gêné. Il y a énormément de textes, mais. C'est un peu comme Blake et Mortimer, beaucoup de textes, mais c'est quand même plus drôle que Blake et Mortimer, que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai toujours adoré ça. Moi, et d'ailleurs, j'ai tendance à mettre moi pas mal de bulles, surtout. Je mets du texte dans mes pages, mais je mets surtout pas mal de bulles, parce que Achille Talon, c'était sa marque de fabrique. C'est ce que faisait Greg, il faisait parler ses personnages avec des dizaines de bulles. J'ai toujours adoré ça, et moi, personnellement, ça me faisait beaucoup rire. Donc, c'est vraiment la BD qui m'a vraiment fait rire quand j'étais gamin. Et j'avais écrit à Greg quand j'avais 11 ans, et il m'avait répondu gentiment avec une photo de lui et un dessin d'Achille Talon qui dit Christophe Cazenove, c'est mon ami à moi. Je m'étais toujours dit que c'était un jour, j'avais la chance moi de faire des BD. Ben, je n'hésiterai jamais à répondre aux lecteurs qui m'écrivent, c'est ce que je fais. Alors évidemment, moi c'est souvent des messengers ou des mails parce que on passe moins par le courrier. Mais c'est vrai que ça m'a fait un tel plaisir de recevoir ce courrier que c'était marquant pour moi. Ouais. Bah, j'imagine, ouais, puis ça a dû peut-être te conforter aussi et dire, allez, hop, je vais faire de la BD mon métier, et puis. Enfin, j'avais 11 ans, donc j'avais cette envie. Disons, j'aimais beaucoup Achille Talon, mais je suis devenu fan vraiment de Greg à ce moment-là, encore plus fan que ce que je pouvais être. Et j'ai toujours son dessin qui m'envoyait, c'est tout ça, dans nos maisons. Et au-dessus du bureau, comme ça, pour donner de la force les jours où ça va mal. Pas dans mon bureau, mais il n'y a pas de jours où ça va mal. Je suis pas un caractère à avoir des jours où ça va mal, donc, voilà. même pour les jours où ça va bien, c'est bien de regarder ça. Et ouais, c'est un très chouette souvenir. Ouais. Moi, je vous propose, avant de parler de tes inspirations, parce que Marie, quand tu m'avais parlé des Sisters, tu voulais savoir la justesse de certaines choses. Je vois à ton regard que tu te souviens. Mais justement, avant de connaître tes secrets pour te mettre dans la peau de jeunes filles, de jeunes dinosaures, de jeunes animaux, de jeunes n'importe quoi, que tu arrives à trouver des blagues sur chaque domaine. Et des vieux aussi. Oui, sur des vieux aussi. Je sais pas pourquoi j'avais des délires avec les jeunes bêtes et tout. Bref, on va parler de tes secrets un peu de fabrication. Mais tel un magicien, tu ne diras pas tout parce que sinon le tour sera gâché. Mais en attendant, on va écouter. Alors, c'est du groupe Deli Deli, hein, c'est bien ça, Marie ? C'est ça. Non, Deli Teli, je me suis trompé. Oui. Deli Teli, on va donc écouter Boom Pam. Tu m'as proposé ça. Je ne connais pas, comme toujours, ce que vous me proposez, je ne connais pas. C'est pas grave. Je fais un piètre animateur, mais en tout cas, ça sera l'occasion de découvrir ça sur Fadjet. Et juste après, nous reprendrons l'interview de Christophe Cazeneuve qui va nous parler de ses inspirations, de ses secrets, de ses réseaux et de comment il fait un si bon risotto. Voilà. A tout de suite sur Fadjet. Thank you. métal sur Fréquence BD. Fréquence BD. Vous êtes de retour sur Fréquence BD tous les premiers vendredis du mois sur Fadjet et nous avons la chance d'accueillir lors de cette émission le scénariste Christophe Cazeneuve, scénariste chez Bambou, connu, on l'a même pas dit, mais connu pour toute la collection Bambou en fait, vu que son nom est sur chacune des couvertures. J'exagère. Ça, c'est pas vrai. J'exagère un petit peu. Un tout petit peu. Justement, Marie, comme on l'avait dit, avait adoré les Sisters. Et justement, Marie, on t'écoute. Oui, justement, enfin voilà, moi, comme j'ai dit, c'est vraiment. Ça a été une série de bandes dessinées que je lis encore et que j'ai vraiment grandi avec. Et donc, je sais que c'est largement du coup inspiré de la vie des filles du dessinateur, qui ouais, s'appelle William Murray. Et moi, la question que je me suis... En fait, quand j'étais petite, pour donner la petite anecdote, moi, je pensais que c'était des femmes qui écrivaient, en fait, ah oui et qui faisaient ça. Ouais, parce que vraiment, je me retrouvais vraiment énormément dans les dialogues, même dans les gags, en fait. Enfin, ouais, y a des trucs qui me sont arrivés. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Et vraiment, moi, je me demande comment on fait pour se mettre dans la tête, là, de jeunes filles, pour inventer des situations, des gags qui sont super... vraiment vraisemblant quoi, qui sentent la vraie vie, j'ai envie de dire. Et voilà, comment on fait en tant que scénariste pour réussir à écrire ça. Ouais, voilà. Je me mets pas dans la situation d'être une jeune fille, je me rappelle juste ce que je faisais quand j'étais enfant. En fait, j'ai été enfant, j'ai pas été une petite fille, mais j'étais un enfant, et du coup, je me rappelle de certaines choses que je faisais avec mon frère, des attitudes, des disputes, des réconciliations, des trucs comme ça, des jeux qu'on faisait. Et je me sers beaucoup de ça pour cette série-là, pour les Sisters. Ensuite, c'est marrant de dire que ça aurait pu être des filles qui écrivaient les Sisters, ça aurait pu être effectivement une BD faite par des femmes. Mais là, récemment, tout à l'heure, on parlait des nouveautés. Il y a une BD qui vient de sortir, Ladies with Guns, de Anne Lore, qui est une dessinatrice incroyable. Et on voit pas, je trouve, quand on voit son dessin, on va pas se dire, ah, tiens, c'est dessiné par une femme. Mais moi, ce qui m'étonnait vraiment, c'était vraiment le côté enfant, en fait, que je retrouve vraiment à... Non, mais c'est parce qu'on peut penser même conneries que... Quand ça parle d'enfant, ça peut être fait plutôt par des mamans ou des femmes. Mm-hmm. Enfin, après, oui, c'est... De toute façon, vu que ça parle de vrais personnages, et ce sont les vraies filles de William, Wendy et Marine, qui sont grandes maintenant, donc elles ont le même prénom, c'est leur maison, ce sont leurs chambres et tout ça. Donc, à chaque album, William me donnait un thème général, enfin me donne un thème général, parce que là, on vient d'attaquer le tome... Enfin, moi, j'ai attaqué le tome 17. Et je pars de ça, moi, pour ensuite imaginer des histoires, et puis William, après, lui, retravaille des dialogues pour que ça sonne Sisters, pour que les filles parlent comme ces vraies filles parlaient. Et c'est, je pense que c'est peut-être ça aussi qui donne une petite tonalité... vrai à la série, parce qu'on me le dit souvent, ce que tu me dis Marie, que quand je vois des lectrices en festival ou des lecteurs, c'est des petits garçons aussi qui lisent les Sisters, souvent ça leur rappelle des souvenirs, même les mamans d'ailleurs qui accompagnent leurs enfants se rappellent leur enfance par le biais des Sisters, des disputes une fois de plus, ou des caprices, des petites cachotteries, des trucs comme ça, des journaux intimes qui sont volés, enfin tous ces trucs là qui font que l'enfance est riche d'aventures. Et puis moi, j'adore écrire sur l'enfance. Voilà. Je pense que c'est surtout parce que j'étais enfant. Si j'avais été enfant, j'aurais dû... Ouais. Justement, ce que je trouve aussi... j'enchaîne sur une autre question. D'accord. Mais au-delà, du coup, de ce cas-là des Sisters, mais pour les autres... pour d'autres BD que tu as pu faire, on retrouve quand même ce truc d'instinct de... On se retrouve plongé dans un univers particulier. Par exemple, les fondus, avec les fondus font du vélo, les fondus font de la moto, les fondus font du ski, les fondus à l'arène. Enfin, Il n'y a pas le vélo, on l'a pas fait. Non, il y a une série qui s'appelle Les Vélomaniacs, voilà, font des amis. Mais nous, on a fait beaucoup de thèmes. On a fait la brocante, on a fait la pêche, la cuisine, le portable, puis même, le vin, le chocolat, le fromage. Des BD même sur des métiers, sur... Ouais. Avec sur des pompiers, sur des gendarmes, sur des médecins, sur des étudiants en médecine, Oui, ça c'est pas moi non plus. Moi j'ai fait pompier, gendarme avec des collègues, évidemment scénaristes. Les pompiers, j'étais en train de faire deux pages là, quand on s'est appelé tout à l'heure. On est au tome 21. Par contre, pour les pompiers, moi je me pose une question. Attends, juste avant Marie, tu as dit que les médecins c'était pas toi. Pourtant j'ai une BD signée de ton nom qui parle des médecins. Donc. Ouais, c'est pas le même, c'est médicalement votre, je pense. C'est ça, ouais. Oui, ça, c'est une BD qui était faite pour la MACSF, qui est la mutuelle du milieu médical. Voilà. Donc... Mais la BD des oubliés était faite par des amis. Voilà. Donc, j'ai chez Bambou aussi, mais c'est pas moi qui la faisais. C'est la preuve que c'est pas moi qui fais tout. Donc oui. Donc on a la réponse. Tu es humain et tu n'es pas un robot. C'est ça. Voilà. C'est donc pas un pseudo qui se prête et qui met sur chaque livre. Mais alors. Non. la question, c'est vu que c'est plein de domaines différents, comment tu fais pour avoir des références sur plein de domaines différents? C'est ça que tu voulais dire, Marie? Je sais pas. J'ai un peu pris. Oui, tu m'as pris ma réplique. Hein. Ah, je Non mais bien, je rigole. Mais oui, c'est vrai que. Voilà, je sais que par exemple pour certaines BD sur les animaux, sur les animaux marins, sur les insectes, il y a vraiment eu cette volonté de faire quelque chose qui soit vraisemblable, qui soit scientifiquement pédagogique, oui. Oui, voilà, ouais. Pédagogique, mais au-delà, enfin vraiment d'avoir une volonté d'avoir quelque chose qui est cohérent. Et du coup, moi, je me demande aussi, pour voilà, par exemple, sur la BD sur les pompiers, est-ce qu'il y a un travail de documentation? Comment ça se passe pour est-ce écrire les dialogues? Est-ce que tu vas voir des pompiers Ouais, non. Voilà. Au début, j'avais envie d'aller voir des pompiers, mais en fait, je l'ai fait une fois avec ma femme, on avait été manger des pizzas à la caserne, là où on habite. Mais très rapidement, ils sont tous partis en intervention, on s'est retrouvés comme des couillons avec nos pizzas. parce que le pompier, voilà, il n'a pas d'horaire, il part quand on l'appelle. Quoi. Non, j'ai pas besoin de me documenter, enfin, je me documente un tout petit peu pour les pompiers, pour du matériel, pour des choses de ce genre-là, des interventions précises. Mais c'est pas ça qui est important, donc je me dis que les pompiers, par exemple, c'est un groupe de personnes, et comme dans tous les groupes de personnes, que ce soit dans le milieu médical, que ce soit dans l'audiovisuel ou même une bande d'amis, c'est toujours un peu pareil. Il y a toujours les mêmes profils. Il y a le leader positif, il y a le dragueur, le leader négatif, le râleur, le gourmand, la pin-up, il y a l'intello. Enfin, il y a toujours un peu les mêmes profils. Après, il suffit de les affiner pour pas que ça se répète d'album en album et de série en série. Mais moi, je suis parti de ça pour les pompiers. Au début, c'était le dessinateur a créé une galerie de personnages et je me suis amusé avec ces personnages. Ça fait maintenant 21 albums qu'on se les trimballe. Avec plaisir toujours, et je sais pas, c'est pas un secret, mais c'est vraiment comme ça que je travaille. Ensuite, pour les BD qu'on a évoquées avant sur les animaux marins, par exemple, là j'ai quelqu'un qui me valide des pages, un scientifique, Michel Ignette, qui était directeur de l'aquarium tropical de la Porte Dorée à Paris, et c'est lui qui est une sommité dans ce milieu-là, qui est biologiste marin, et qui me disait non, là, ça c'est pas exact, là le poisson, il peut pas faire ça à tel endroit, enfin. Moi, je suis pas passionné par la poscaille, c'est pas une passion, le coquillage et tout ça, mais c'est vraiment intéressant de travailler avec quelqu'un comme lui. Et vu qu'on fait des BD pédagos, avec une volonté de donner des vraies infos, comme la BD et les insectes, ou là, je fais aussi un autre titre, Le zoo des animaux disparus, où on parle non seulement des espèces qui n'existent plus, mais aussi de celles qui sont menacées. On fait du gag avec ça, avec une caution. Alors là, c'est l'association des zoos et parcs de France qui, la personne, la présidente de l'asso, qui me relie les pages et qui me donne ses précisions pour justement qu'on puisse amuser les lecteurs, mais en leur donnant des infos qui sont vérifiées et donc qui sont justes. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire que pour tout ce qui est à valeur pédagogique, tu te fais valider par un scientifique, mais pour tout ce qui est plutôt comique, non. Comme les gendarmes ou les pompiers, ouais. Tu vas plus te... prendre d'autres... C'est pas systématique, hein. Par exemple, pour les petits mythos, donc c'est une BD, une vulgarisation sur la mythologie grecque, on fait, avec Philippe Larbier, le dessinateur, on fait des gags vraiment crétins, on essaye d'être très crétins dans cette BD-là, et on revendique ce terme-là, d'ailleurs, mais avec aussi à chaque page des infos sur la mythologie grecque, et les gamins qui lisent peuvent retrouver dans les dictionnaires, ou pour les plus grands même, qui liraient dans les textes antiques, ce que l'on met. Ils retrouvent les infos que l'on met. Donc là, j'ai pas besoin de. Enfin, je fais pas appel à des cautions parce que là, je suis passionné moi par la Grèce et par tout cet univers-là. Et là, c'est moi qui me coltine tous les bouquins à lire et tout ces trucs-là. Je me régale d'ailleurs. Donc j'ai pas ce besoin-là sur cette série. Sur les pompiers, oui, effectivement, je connais une pompier. Si j'ai besoin d'une info précise, je l'ai fait une fois, je lui ai téléphoné pour demander une précision. Mais les pompiers, c'est pas une BD vraiment pas de pédago. On n'est pas dans cet esprit-là. On essaie de faire vivre une brigade j'étais assez surpris d'ailleurs. Une fois, j'avais tapé juste sans faire exprès. J'avais fait une série de gags où il y a un des pompiers qui se retrouve en fauteuil parce qu'il a la jambe dans le plâtre. Ce qui l'agace le plus, c'est qu'il peut plus intervenir. Et dès qu'il entend la sirène du camion, il a tendance à à suivre le camion sur son fauteuil parce qu'il veut intervenir. Et j'ai rencontré les pompiers qui me disent, mais c'est vrai, c'est un truc qu'on ressent, la frustration de ne pas intervenir sur le terrain. Donc finalement, au-delà de la doc, je pense qu'il faut essayer de se mettre à la place d'eux. Moi, c'est ce que j'essaie de faire tout le temps, toute la journée quand je travaille sur mes pages. Ben, j'essaie de me mettre à la place de Totor le Minotaur, d'un gendarme, de Marine ou Wendy, ou d'un insecte s'il faut. Et ben justement, c'est ça en fait, c'est ça qui est magique en fait, c'est vraiment ce côté-là de, ben, on se retrouve vraiment plongé dans un univers et ça passe évidemment par le dessin, par l'ambiance, par les couleurs, par le graphisme, mais ça passe aussi surtout par les mots qui sont dits, par les expressions, par je trouve que c'est ça qui est passionnant dans le métier de scénariste en fait. Je me pose une très bonne question, Christophe. Tu dis que tu essayes de te mettre dans la peau de tes personnages, mais est-ce que pour les fondus du vin de Bourgogne, etc., tu as fait le tour de France pour goûter tous les vins, pour vraiment te mettre dans la peau des goûteurs, ou alors tu t'es inspiré des vignerons locaux? Non, là, il faut travailler avec des collègues alcooliques pour que ce soit plus simple. Moi, je suis pas très vin. Moi, j'aime bien le vin blanc, mais je suis pas un amateur de vin. Par contre, le Hervé Richet, qui a créé la série et avec lequel on fait tous les fondus, lui aime le vin, a vraiment cette passion. Il est très calé. Alors, il est pas alcoolique, je rigole. Mais c'est vrai qu'il est vraiment amateur de vin. On dira rien, il connaît les cépages, les terroirs, il connaît tout ça, il connaît les producteurs qui sont autour de chez lui, et c'est vraiment ça la force, je trouve, de cette série-là. Moi, je pense que quand on fait une série comme ça, il faut qu'il y ait au moins une personne qui soit passionnée par le sujet. Pour les fondus de moto, c'est Bloz, le dessinateur, qui est motard. Voilà. Pour Triple Gallo, c'est Dupelou qui est cavalier, qui fait de l'équitation. Je pense qu'il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui soit passionné par le sujet. Parce que moi, je veux pas être passionné par tous les sujets. Ouais, j'ai pas envie. C'est marrant quand même un onologue motard, mais bon, faut faire les deux en même temps, ce serait pas facile. Voilà, c'est ça, faut faire un choix. puis, je peux pas me forcer à être passionné par un sujet, quoi. Moi, j'aime beaucoup les animaux, mais je suis pas calé sur le sujet. Par contre, la mythologie grecque ou la Grèce en général, c'est vrai que c'est ma passion, donc c'est celle-là que je fais passer au travers des petits mythos. Et puis il y a des séries effectivement comme les Sisters où là il n'y a pas de question de passion, il n'y a pas de documentation, il y a juste une envie d'essayer de rendre crédibles ces personnages-là, et en essayant de donner un dynamisme dans les dialogues ou dans les actions aux personnages qui cadre avec l'âge des personnages. Donc Marine, la petite, est très très dynamique, très agitée. La grande est un peu plus posée, elle est plus à penser à son copain ou à ses amis. Donc c'est vrai c'est ce qui me plaît. Je fais une autre série aussi d'ailleurs où j'aime bien écrire en m'imaginant finalement fille, puisque je fais la BD qui s'appelle Mécops, et c'est intéressant de se mettre à la place d'adolescente. Ça, j'aime bien aussi les passions, les centres d'intérêt que peut avoir une fille à cet âge-là. Voilà, tout ça m'intéresse vraiment en fait. D'accord. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup d'une BD à une autre, tu peux te mettre dans la tête d'un grec. De l'Antiquité et d'une jeune fille actuelle en passant par une coccinelle. C'est de l'escroquerie, hein, c'est tout ça. Enfin, quand moi je fais une BD sur les animaux marins, je fais croire que je suis hyper calé dans le domaine. Mais non, je me documente, j'ai quelqu'un qui valide mes pages, le dessinateur, c'est un gros travail de recherche. Pour les insectes, c'est mon collègue scénariste Vaudarzac qui est passionné par les insectes, qui a tout ce savoir-là. Donc c'est vraiment essayer de montrer qu'on connaît un sujet, enfin, et en tout cas de donner le maximum pour que le lecteur se sente pas blousé, qu'il n'ait pas l'impression qu'on est en train de le prendre pour un jambon. C'est ça aussi qui est important, de respecter le lecteur en prenant le temps de se documenter, d'apporter des infos. Enfin, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je travaille. Moi, j'essaye vraiment à chaque fois de vérifier au moins 3 fois une information avant de la mettre dans une BD. Et si je suis pas sûr, je mets pas. Donc 2 fois sur un livre et 1 fois sur Internet. Ça peut être 2 fois Internet, 1 fois un livre. Mais je préfère quand même le support papier. Et si j'ai pas ces références-là, j'hésite à mettre une info. Et malgré ça, je peux faire des erreurs. Évidemment, je suis pas à l'abri. Mais en tout cas, je prends ça très au sérieux parce que je sais que je suis lu par des enfants, essentiellement. Ouais, c'est important. Je voudrais pas les induire en erreur. Je voudrais pas qu'ils aient l'impression, voilà, que parce que ce sont des enfants, on met n'importe quoi. Après, il y a des BD pour lesquels il n'y a pas de documentation, mais on ne met pas n'importe quoi pour autant. Dans les Sisters, on essaie vraiment de pas tourner en rond, d'ouvrir tout le temps des nouveaux thèmes, d'amuser le lecteur à des choses différentes pour pas qu'il ait l'impression que c'est de la redite et qu'on le respecte pas. D'accord. Je pense que respecter le lecteur, ça fait quand même... Ce n'est pas le cas, donc parole de lectrice. Merci beaucoup. On va écouter, je vous propose, rapidement un autre de vos titres proposés par Christophe, et ensuite on pourra se reparler encore un petit peu, parce que l'heure tourne finalement, et l'émission arrive lentement vers sa fin. C'est pour ça, c'est pas que je ne t'aime pas Christophe, mais à un moment il faut que je vous retienne de parler, parce qu'après on s'arrête plus, et moi je suis à fond et je veux savoir la suite, mais la suite elle sera quand? Elle sera après This Is Not Utopia des Offsprings, un titre que tu nous as proposé, Christophe. Oui, au débeauté, comme ça. Comme c'est toujours. Prévu, mais c'est ce que j'écoute en ce moment aussi. Comme toujours, je n'écoute pas ça, ça sera l'occasion pour moi de me cultiver. Donc tout de suite, les Offsprings sur Fadjet, et on se retrouve pour une petite dernière question, deux, trois blabla, je pense, et la fin de cette émission de Fréquence BD. À tout de suite. Like a shot without a warning, lies a life that's left behind. And though I try, it's something I just can't unsee. It's burning to my mind. Hey, and I wake up in the morning. News keeps flashing on my eyes. These dying streets are bruising, beaten, riot flags are waving. Boy, weeks in the street, these lives we could be saving. Lies are cheap, I sit and weep, cause there's just no mistaking. Célèbre. Vous êtes de retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée sur Fadjet, toujours avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour, toujours là. Et avec Christophe Cazeneuve, notre invité du soir, scénariste chez Bambou. Bonsoir, tu es toujours là. Bonsoir du coup. Et évidemment. Alors justement, là, on a encore un peu de temps devant nous. On a quelques questions rapides sur la technicité de ce métier, parce que tu nous as parlé de ta passion, tu nous as parlé de comment tu réfléchis, mais il n'y a pas que ça. Alors Marie, je te laisse l'honneur de parler. Bah justement, là on parlait un peu des nombreux tomes qu'il y a eu, bah voilà, des pompiers, des sisters, etc. Mais comment on se demandait du coup avec Benjamin en préparant l'émission, comment on sait qu'on a fait le tour d'un sujet en fait, que ce thème est épuisé et du coup comment on décide d'arrêter et comment on arrête. Enfin, c'est pas du tout Je pense que les auteurs s'épuisent avant le sujet. À mon avis. C'est triste. Je pense que c'est ça. Ou les sujets épuisent l'auteur. Non, je pense vraiment que ce sont ou les auteurs ou les lecteurs qui s'épuisent avant le sujet. Je pense que les sujets sont inépuisables, même en tant que tels. Les Sisters, c'est vrai que ça fait quand même 16 albums, là on attaque le 17e, on est qu'avec deux filles. quelques-unes de leurs copines et un tout petit peu les parents, mais qu'on voit pas vraiment. Et je pense qu'il y a encore énormément à faire. Après, c'est peut-être nous qui allons à un moment donné nous épuiser. Je le pense pas. Là, j'ai démarré sur les chapeaux de roue et je me régale sur les tomes 17. Mais je pense que c'est, je pense pas qu'il y ait des, je suis pas inquiet pour le fait que les sujets soient, qu'on ait fait le tour complet. Pour moi, à mon avis, c'est pas possible. Parce que je ne travaille pas que sur des points techniques, je travaille sur des personnages. Des personnages auxquels je donne vie avec les collègues dessinateurs, dessinatrices. Et donc pour moi, ils existent, ces personnages-là. Quand je parlais du tome 21 des pompiers, ça fait presque 19 ans, 18 ou 19 ans maintenant que je suis avec ces personnages-là. Et je les connais. Je sais qu'un tel est divorcé, je sais qu'un tel est feignant, je sais qu'un tel... T'as l'arbre un peu dans ta tête. Pourtant, tu as quand même des séries que t'as arrêtées. Alors est-ce que c'était par manque d'idées ou juste parce que t'es passé à autre chose qui t'a pris plus de temps? Ou aussi, il y a la question financière aussi. Nous, c'est ce qu'on se demandait aussi. Voilà, le commercial. Quel moment... Ouais, voilà. Bien vu, Marie. C'est exactement ça. C'est que les séries qu'on arrête, en général, c'est pas moi qui décide d'arrêter une série. Ça peut être parce que on en a marre avec le dessinateur, on veut faire autre chose. Mais ça ne m'est pas encore arrivé. Mais c'est souvent parce que commercialement, la série ne fonctionne pas, parce qu'elle n'a pas trouvé son public. Alors, ou parce que on a mal fait notre boulot et la série fonctionne pas parce qu'elle est pas... Elle est pas drôle, elle est pas intéressante. Peut-être parce que c'était pas le bon moment pour la sortir. Enfin, il y a plein de raisons qu'on n'a pas forcément envie de connaître d'ailleurs. Mais quand ça s'arrête, ça s'arrête. Moi, je pense que lorsqu'une série vraiment commence à s'effondrer dans les ventes, faut pas faire la perfusion. Il vaut mieux partir sur des nouveaux projets. Et c'est ce qu'on fait en général. Donc moi, les séries, voilà, qui ont été arrêtées, l'ont été souvent parce que c'est également un métier, également un commerce, et qu'il y a une maison d'édition qui est là aussi pour faire vivre ses auteurs, et elle le fait vivre avec des albums qui se vendent. C'est la réalité du travail aussi. Il y a tout le côté qui fait rêver, création, tout ça, mais il y a aussi le côté commercial. Alors justement, moi je sais que à ta place, j'aurais été très tenté, mais est-ce que ça t'arrive de te faire des auto-références à tes anciennes séries quand t'as en écrit des nouvelles, ou juste tu fais table rase du passé et tu dis on part sur autre chose, on s'en fiche de ce que j'ai fait avant? Jamais table rase. On peut faire des clins d'œil à des séries passées ou qui n'existent plus. De toute façon, il y a plein de clins d'œil pour les lecteurs attentifs des albums de chez Bambou. Il y a vraiment toujours des clins d'œil. Les dessinateurs se dessinent entre eux, dessinent les personnages des autres dans des arrière-plans, tout ça. Donc, ça, il y a pas de table rase. Et par rapport au projet oublié, justement, pendant le premier confinement, j'en ai profité pour ranger mon bureau. Parce que j'avais pas trop envie de travailler, un peu comme tout le monde, la première semaine, on savait pas trop ce qui se passait. Et j'ai exhumé un projet que j'avais depuis 20 ans, ce qui s'appelait Échec et Pâte. Et j'ai remonté le projet avec Mick et Val, deux dessinateurs. On a proposé ça à Bambou et ça a été pris. Ce qui fait que le projet a mis 20 ans à se monter. Et le tome 2 est sorti là il y a pas longtemps, en janvier. Échec et Pâte, une BD donc sur les échecs. Donc heureusement que j'ai pas fait table rase du passé, parce que c'est une série vraiment un petit peu pédago aussi, parce qu'on donne des infos sur les échecs, avec des gags également absurdes et crétins comme je peux faire à côté. Comme on les adore, j'espère que ça trouvera son public, justement, parce que si cette série trouve pas son public, on rebondira puis on fera autre chose avec les collègues. Avec pourquoi pas les fondus de la radio, hein, je donne des idées comme ça, mais... Pourquoi pas, après tous les thèmes sont faisables, on a l'impression qu'on a... Alors justement, on disait ce qu'on a fait le tour sur des thèmes, là c'est vrai que sur les fondus du vin par exemple, on a un peu fait le tour parce qu'on va pas non plus parler de vin dans des régions où il y en a très peu, on a fait le tour des régions, voilà. C'est vrai que là, ce genre de série qui parle d'un... Finalement c'est pas nous qui sommes épuisés, c'est vraiment le sujet en lui-même, parce qu'on a fait pratiquement toutes les régions vinicoles, les plus importantes, là, on va pas les inventer, les autres après. Donc là, effectivement, on cherche de nouvelles pistes pour continuer à faire les fondus sur des thématiques qui nous intéressent à nous d'abord et qui pourraient intéresser les lecteurs après. D'accord. Mais il y a à faire, il y a toujours à faire. D'accord. Très rapidement, Marie, est-ce que tu as un petit truc à rajouter ou... J'attends pour une dernière question ou... Oui. Le temps, mon je répondrai rapidement. Promis. Ah, après, t'inquiète pas, hors antenne, tu pourras le bombarder, mais... Yes. Mais du coup, tout à l'heure, je rebondis un peu sur ce dont on parlait tout à l'heure, du fait de se mettre dans la peau de personnes, etc. Et moi, je me posais une question. Est-ce que tu as déjà pensé à faire une BD avec quelque chose de plus autobiographique? Ouais, vraiment, avec sur quelque ton chose métier. De plus... Ouais, non. Sur ton métier ou... Non, parce que je pense pas que je suis... Alors, je dis pas ça pour que vous disiez « Ah, oh, mais si !» Mais je pense pas que je suis un sujet intéressant, parce que je me connais, donc j'ai pas envie de faire des BD sur moi. Voilà. Ni même sur un scénario. Même tout à l'heure, je parlais d'une... Même sur le domaine de la bande dessinée. Non, je parlais d'une autrice tout à l'heure. Je parlais de Zelda, qui, elle, fait des BD où elle se met en scène. Et moi, ça, c'est un truc que bah, je sais pas faire, en fait. ça, de parler de moi, ça m'intéresse pas. Donc, voilà. Et nous, on se posait la question aussi sur le métier, en fait, de scénariste, par exemple. Parce qu'en fait, c'est un métier assez peu connu. Et justement, ouais. Il y a toute cette partie rêve, cette partie vraiment, très... Hein, qui fait rêver. Et il y a la réalité derrière, et qui peut aussi, enfin, je suppose que dans la vie, il doit y avoir aussi des situations un peu absurdes, incongrues, un peu marrantes. Christophe, elle est en train de te proposer un scénario, c'est les ça, ouais, de fond de la réalisation. c'est mon non, mais... non, moi j'ai de la chance, si je peux juste dire un mot là-dessus, c'est que j'ai de la chance parce que j'ai du travail. Je suis un éditeur qui me fait travailler régulièrement depuis 20 ans. Effectivement, en scénariste, ça peut être compliqué parce que c'est beaucoup de travail pour préparer, créer un univers, des personnages, créer une histoire. Tout ça pour monter un projet qui ne sera peut-être pas pris. Donc c'est vrai que c'est assez... ça peut être très compliqué comme métier aussi. On n'est pas assuré de gagner sa vie, on n'est pas assuré d'être publié tout le temps. Donc moi, je fais partie des privilégiés et j'apprécie ce privilège. Je me le dis très souvent que j'ai de la chance aussi. Mais voilà, mais c'est vrai que ça, c'est la partie moins qui peut faire moins rêver du métier, c'est que voilà, c'est quand même ça non plus combat, forcément ça le. Je dirais pas ça non plus parce que moi j'ai cette chance d'avoir des séries qui tournent et d'être avec un éditeur avec lequel ça se passe très bien depuis 20 ans, mais je sais que c'est compliqué parce que rien n'est jamais gagné déjà, et c'est pareil pour les dessinateurs. Il y a beaucoup de gens qui ne gagnent pas leur vie dans la bande dessinée. On a entendu le syndicat de la BD, beaucoup d'auteurs précaires qui justement s'adresser au ministère de la Culture en disant bah, maintenant ça suffit, il faut quand même aussi changer certaines choses pour que ce soit moins difficile, que les droits soient plus importants, que les conditions de travail soient quand même un peu meilleures. Voilà, c'est pas facile pour tout le monde, mais j'ai cette chance-là d'en vivre, d'apprécier cette chance, ce bonheur au quotidien que j'ai d'écrire des histoires et d'être lu par des gens comme Marie qui sont fidèles. Voilà. Et ben, merci. Ça motive pour la suite. Et ben, merci beaucoup. C'est sur ça qu'on va se laisser ce soir. Alors, évidemment, merci. La rediffusion sera disponible sur le site de Fadjet directement et quelques jours après sa diffusion sur la chaîne YouTube Fréquence BD. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été présent ce soir. J'espère que tu as apprécié ton moment ici. Ça va, c'était bien? Je suis pas parti entre temps, donc c'est un signe. Les croissants étaient bons, le chauffage était nickel. Et puis voilà, tout va bien. Bah parfait. Merci beaucoup Marie d'avoir été présente ce soir. Et puis, voilà, un plaisir comme toujours. On se retrouve si tout va bien le 4 mars. Je savais plus quel mois il y avait après le février. On se retrouve donc si tout va bien le vendredi 4 mars. Voilà. Donc surprise. Ah, il n'y a pas de teasing sur le prochain invité alors. Ah, le prochain invité, ça sera sans doute un traducteur de comics. C'est bien ça, Marie? Ah, yes. Intéressant ça. Voilà, donc peut-être un traducteur de comics, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Enfin bref, je vous souhaite une très bonne soirée sur Fadjet. Merci. Et puis merci à vous. Au revoir tout le monde. Fréquence BD revient le premier vendredi du mois prochain avec encore plus de BD. Oh, c'est ça qui est bon.